érotique, Vic, règle des hawkers, rire, rap et street. On est strict dans nos rimes chaotiques. On plonge dans l'abîme avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine. Chaotique, avec le manque d'argent, c'est critique. On prend tous les risques, on bicrave en cachette pour se faire de l'oseille, grimper en haut de l'échelle. Cacher les gros saves, ce plus marre où toute notre vie sera un cauchemar pour les visites. Ça sera direction parloir. Quand tu te regarderas dans le miroir, tu te diras, j'ai pas été assez malin. Ta femme pleure et s'inquiète, un manque de câlin. Si tu veux un conseil, fais gaffe à toi, frangin. Chaotique, Vic, règle des hawkers, fille, rap et street. On est strict dans nos rimes chaotiques. On plonge dans l'abîme avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine. Chaotique, le gouvernement nous contamine au sang. J'étais champion mon 8-900. On est tous des pions manipulés dans un sens. Nos vies sont dénuées de sens. Riqueuse, vitaux sur l'instru pour représenter sens. On en a marre de voir que la vision qu'on a du monde, c'est celle de la télévision. Des cerveaux formatés par la communication, manipulés sans complication, obéissage à de dressage et d'obligation. On est censé écouter ce qu'ils veulent bien nous dévoiler, mais on n'est pas bête, on sait ce qu'ils cachent derrière leur tête. Chaotique, VY des hawkers, RAP strict. On est strict dans nos rimes chaotiques. On plonge dans l'abîme avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine chaotique, avec cette société raciste chaotique, avec le parti communiste chaotique, avec ces flics qui nous pissent ici. Gros 2007, le monde est chaotique. Écoute mon rap, il est pas antique. Vas-y, auto venin critique, chaotique, VY des hawkers, RAP strict. On est strict dans nos rimes chaotiques. On plonge dans l'abîme avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine. Je me rends compte que la vie est critique, car la police nous chasse de la street. On peut même plus se promener tranquille sans fouiller au corps en pleine ville. Alors je balance ma haine sur feuille avec mon slobby. À travers mes textes, je passe pas pour un romantique. Sans sortir du contexte, quand vont-ils comprendre que leurs actes sont chaotiques? Et que nous les jeunes, on en a marre d'être pris pour cible. Que pour nous survivre dans ce pays, c'est mission impossible. Chaotique, VY des hawkers, rient avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine. Chaotique, VY des hawkers, rient à rapper street. On est strict dans nos rimes chaotiques, on plonge dans l'abîme avec un son aussi violent que l'héroïne. Ça plane sous la morphine.